Chapitre 12. Il est encore nuit. Tout est vide, les dieux dorment, les bêtes et les hommes, moi seul suis éveillé. Comme un fantôme j'erre dans l'aube obscure, silence, seul mon pas retentit, c'est comme le frappement sourd d'un marteau sous le sol. Une brise silencieuse se traîne, saturée d'âcres senteurs par la sueur nocturne de la mer, les astres de l'île éclairent encore, ils ont l'air fatigués par leur veille. Livide, la lune de Stiff palpite, blanc, blanc, rouge. Créache, à perte d'haleine, lance circulairement ses pâles faisceaux de rayons. À l'est, la nuit se troue, et le matin monte à travers la fente, telle de la chair sanguinolente. Un frémissement court sur la mer, comme si elle frissonnait. Les coups de lumière de Créache s'envolent comme des voiles minces, laissant apparaître les couleurs livides de l'île. La mer se colore, Créache s'éteint. Au nord, Stiff éclate encore une fois, rouge, puis sa lumière ne revient plus. Là-bas, au large stride, une mouette, un cri lui répond, et soudain s'élève sur les rochers un bruit confus de lime. Ce cri avide, issu du bec des oiseaux de proie, salue la lumière à la même heure sur des milliers de récifs glabres parmi les mers. Dans la vapeur du port, les pêcheurs se mouvaient comme de lourds fantômes, aux pas mal assurés. Une voile géante monta en l'air et entra dans la brume. Je saluai Jean-Marie, le roi de la mer, et en silence, nous préparâmes le départ. Nous écopâmes l'eau et rangeâmes les lignes, l'appât, la voile, le ressac tonnait, la vague rejaillissait, la barque se frottait au quai en grinçant. Un aviron dégringola, des chaînes cliquetèrent, une voix cria des injures dans la brume, quelqu'un lâcha un juron, cela sentait l'eau croupie et le poisson. Puis nous grimpâmes le sentier de Chiquel pour déjeuner rapidement. Jean-Marie se versa une chopine d'eau-de-vie dans le gosier, et avec cela il fut paré. En mer, il ne mangeait plus de toute la journée qu'un morceau de pain, et le soir il buvait de nouveau une chopine de gouttes, puis il s'endormait. C'est ainsi qu'il vivait. Nous partîmes. Une couple de voiles fantomales allait devant nous, dans la brume, l'eau glacée fumait. Sur les nuages bas et grumeleux passait une haleine de fournaise, et tout d'un coup il s'élevait d'une secousse, devenait léger et planait. Le croissant de la lune devint mince et transparent, les dernières étoiles palpitèrent en scintillant, et soudain elles avaient disparu. La mer prenait une teinte bleue foncée dans l'ombre des rochers, qui fleurissaient comme des coraux rouge pâle. Des bandes de brume laiteuse glissaient sur l'île, elles enveloppaient le phare de Créache, et quand il émergeait de nouveau, sa tête de verre étincelait de flamèches rouges. Soudain, la mer devint vaste et lumineuse, et là-bas, les voiles brasillaient comme de l'or vierge. Le vent saisit notre voile, et la barque se coucha sur le flanc. Nous rencontrâmes la première vague d'importance. La barque monta en l'air, puis glissa en bas. C'était le premier salut de la pleine mer, de là-bas. Je m'installai confortablement dans la barque et allumai une cigarette. Jean-Marie fumait à froid. Il déchira le papier de la cigarette et se fourra le tabac dans la bouche. « Une belle matinée, Jean-Marie. »« Le roi de la mer n'était qu'un minuscule paquet composé d'un béret graisseux et de sabots sales. Sous le béret dépassait une paire de maigres boucles de cheveux blancs et je n'apercevais qu'à de rares intervalles son visage rose, éternellement souriant, gros comme le poing. Son bourgeron était rétréci dans tous les sens, et son pantalon ne lui descendait qu'au tibia. La toile bleue avait pâli d'un blanc de neige aux épaules et aux cuisses, et même les nombreuses pièces avaient depuis longtemps pâli à leur tour. Les manches étaient couvertes d'une croûte de crasse et étincelaient d'écailles de poisson. Il y essuyait son nez et son couteau. L'éternel maniement de l'aviron avait fait à Jean-Marie des mains de bois, il ne pouvait plus plier les doigts. Ses petits yeux étaient pâlis comme sa cotte, et pourtant il voyait comme une longue vue. Il avait bourré ses sabots de paille, et sur sa peau, aux endroits où la paille avait transpercé la carapace de crasse, collaient de grosses gouttes de sang noir desséché. Le roi de la mer était l'homme le plus brave de l'île, vous pouviez questionner le premier venu. Il avait sauvé la vie à 14 personnes, et maintes fois fait naufrage lui-même. Dans sa jeunesse, il avait à plusieurs reprises fait le tour du monde, mais de cela il ne savait plus rien. Il avait maintenant 77 ans, et l'été prochain, il en aurait 78. Le roi de la mer était le voleur le plus redouté de l'île. Dans la nuit et le brouillard, il s'en allait aux endroits où les pêcheurs avaient amarré leur casier à homards. Il remontait ses nasses, bien qu'elles fussent si lourdes qu'un homme très fort en avait sa charge. Il en tirait les langoustes, larguait de nouveau les casiers à la mer et mettait les langoustes dans ses propres nasses. Quand les pêcheurs venaient le lendemain, il s'avérait que toutes les langoustes avaient délibérément pris le chemin des casiers de Jean-Marie. Oh, il y avait déjà pincé. Nous traversâmes le courant en biais, la barque oscillait et l'embrun claquait contre notre voile. La mer sifflait et des bombes d'écume blanche bondissaient par-dessus les rochers. « La mer ne me plaît pas aujourd'hui, » hurla Jean-Marie. Je me mis à rire en moi-même. « Tant mieux, » dis-je. Et je commençai, suivant l'exemple de Jean-Marie, à préparer les lignes. À un petit mille de l'île, il y avait une chaîne de rochers et de récifs à demi cachés contre lesquels le courant faisait rage. Nous croisions le long de cette chaîne et nous pêchions. Ici, les lames étaient rapides et coléreuses. Elles étaient d'un vert noir et comme enduites d'une couche d'huile et de suie. L'appât clair y descendait comme une petite lumière verte. La lumière s'enfonçait, s'obscurcissait et finalement s'éteignait. Et il ne restait rien que ce vallonnement mouvant et bruissant de sombres lames visqueuses. Nous passions la ligne sur le doigt et au tremblement de la corde, nous sentions la pulsation puissante de la grosse artère qui pompe des millions de tonnes d'eau du golfe du Mexique jusque là-haut, aux îles Lofoten. Mais là-dessous, dans les ténèbres, car Dieu me donne, ce n'était pas pour le plaisir que nous galopions le long des rochers, c'est là qu'il se tenait. Grâce à ma ligne, je guettais à 100 mètres de profondeur dans la mer. Silence. Oui, ils étaient là. Ils se jetaient sur la lumière volante, la guignaient de tous les côtés, leurs nageoires dorsales s'écarquillaient de convoitise, leur corps se gonflait, leurs moustaches frémissaient, ils heurtaient l'appât de leurs mufles obtus, tiraient. Mais le bon moment n'était pas encore venu. Le poisson est méfiant. Je tirais un brin sur la ligne pour exciter son avidité, je la relâchais pour le mettre en confiance et je crochais. Ça y était. Mes bras faisaient le moulinet, j'étais penché sur le bordage et travaillais fiévreusement. J'avais 100 bonnes brasses de ligne à renvider, il fallait être prompt, car le poisson emploie tous les moyens. Comme un chien, il tirait sur la ligne, il se jetait contre l'hameçon, tirait, mais je ne cédais pas. Les plombs apparaissaient et il était là. Il me fixait avec des yeux écarquillés et furieux, se secouait de douleur et de terreur et fouettait de la queue. Je le saisissais à plein corps, je décrochais l'hameçon et je le jetais dans le bateau. Il restait là, un instant, effrayé. Puis il se jetait désespérément d'un côté à l'autre, sur le fond. Et de nouveau, la petite lumière descendait dans les ténèbres. Au port, j'avais acheté quelques crabes, pour le cas où le poisson montrerait peu d'ardeur à mordre. Le roi de la mer n'était pas content, et il se résolut à sacrifier les crabes. Il leur arrachait les pinces, et il les invectivait furieusement quand ils se défendaient. « Oh, oh, regardez-moi ça, cette misérable créature ne veut pas même se laisser arracher les pinces, Il écrasait du pied pinces et crabes, et jetait à la mer cette bouillie visqueuse en guise d'amorce. J'accrochais à l'hameçon un gros morceau de crabe. Ce rôti devait apparaître au poisson comme un poulet grillé qui subitement descendrait en dansant dans la nuit d'une prison. Ça prenait. Les poissons perdaient la tête et se jetaient sur les hameçons. Ruisselant d'eau, ils émergeaient, le museau contorsionné, et fixaient avec des yeux épouvantés la clarté cruelle et les visages de ces démons furieux qui se faisaient un plaisir de les arracher à leur demeure sombre et mugissante. On les jetait dans la barque, souillée de sang et d'écailles, et c'était là qu'ils devaient mourir. Ils se débattaient, leurs corps brillants et argentés se décoloraient, une fumée jaune courait tout le long, des taches apparaissaient, leurs flancs pantelaient, les ouïes rouges s'écarquillaient et dénudaient la chair sanglante, leurs yeux d'or se dilataient dans l'agonie. Finalement, ils faisaient un dernier effort, se courbaient comme une lame d'épée et bondissaient en l'air. Alors Jean-Marie leur donnait un coup de pied, ils ne bougeaient plus, mais il se pouvait qu'une heure après, il demeurât en eux un reste de vie. Le soleil montait et nous pêchions machinalement, en silence. La barque se balançait de haut en bas et filait. Je travaillais sérieusement de tout mon cœur. Avec grand soin, je découpais l'appât dans des coquillages qui faisaient penser à des chapeaux chinois aplatis de petit format. Beaucoup portaient des houppettes de mousse et d'algues et avaient l'air d'audacieux chapeaux de dame à la dernière mode. Et je riais tout seul, car toutes sortes d'aventures me revenaient en mémoire, et là, parmi le mugissement de la mer, j'encaissais encore une fois tous les regards brillants qui m'avaient atteint ici et là, et je respirais à nouveau les parfums avec lesquels les femmes nous attirent, comme les fleurs attirent les abeilles. Comme dit le poète, mais une secousse électrique parcourait la ligne et je percevais un choc au cœur. Le poisson, toutes les 10 minutes, le roi de la mer changeait la voile de côté pour virer de bord. Alors, il fallait me faire tout plat, et malgré cela, la voile me rabotait chaque fois le cuir chevelu. Les lames passaient avec un sifflement et un bouillonnement monotone, et sans cesse martelaient et raclaient le bateau. Parfois une lame rapide arrivait en mugissant, lançait le bateau en l'air et nous saupoudrait d'embrun, et je voyais la lame s'enfoncer entre les autres où elle jetait la confusion. Puis de nouveau un sifflement et un grand cercle marbré apparaissait, crépitant et bouillonnant. Le pied de la lame avait touché un récif caché. Le cercle de marbre blanc et vert s'étalait rapidement, grimpait par-dessus le dos des lames, et jusque dans l'extrême lointain, il conservait sa forme. Les mouettes filaient, effleurant les lames de leur ventre, suivant chaque mouvement, chaque caprice de la lame, avec une précision mathématique et une promptitude d'éclair, en haut, en bas, et elles criaient. Leurs pennes frémissaient, et leurs becs crochus et pointus déchiraient l'air. La mer leur appartenait, et elles ne se souciaient pas des pêcheurs. Elles se précipitaient dans l'écume des récifs, battaient des ailes comme si elles voulaient se poser, montait en l'air verticalement quand la vague sautait après elle et plongeait la tête la première quand la vague était passée. Et de leurs ailes, l'eau dégouttait en étincelles, la mer chantait et mugissait monotonement. Une heure s'écoulait dans le silence. Puis il passait une bande d'hirondelles de mer. Dehi, dehi, goulou, goulou, goulou, dehi. Et déjà, elles étaient loin. La bande filait dans le lointain, pareil à un fil. J'allumais ma pipe. Je m'agenouillais, pressant les genoux contre les membrures du bateau et la tête contre la paroi, et de la sorte, j'avais assez de stabilité pour frotter une allumette. Quelques minutes plus tôt, j'avais reçu en plein visage le coup de fouet d'un paquet de mer, froid comme glace, mais alors je reçus une pelletée d'eau dans mes manches. Et cette eau était tiède, le courant avait changé. Tantôt, il sortait vers la pleine mer, tantôt il allait vers l'île. Seul le roi de la mer connaissait ses secrets. Auparavant, les lames étaient polies, et maintenant, elles étaient couvertes comme d'une cotte de mailles quand le vent soufflait contre le courant. Les récifs cachés au long desquels nous tirions débordés avaient pris une attitude plus farouche. Sans cesse, l'écume jaillissait à leur contact, comme des bombes qui auraient éclaté. Des voiles ondoyants s'envolaient, scintillaient dans le soleil et s'évaporaient. On entendait des coups de canon sourds qui devenaient plus forts de minute en minute à mesure que la marée montait. Jean-Marie regarda l'eau et secoua la tête. Le ciel se couvrit et le soleil disparut derrière un nuage de porcelaine blanche. La mer prit un aspect morne et hostile. Sombre et pesante, elle roulait vers nous, et aux endroits où tombait la lumière du nuage blanc, on eût dit une masse d'épaisse peinture blanche. Le mât craquait et pliait, et les déchirures de notre torchon de voile devenaient larges et béantes. Nous naviguions à la vitesse de 6 nœuds, et le bateau bondissait comme poussé par un ressort. Il plongeait en frémissant dans des vallées longues de plusieurs centaines de mètres, coupait les lames en oscillant, et quand nous étions en haut, je me faisais l'effet d'être assis dans la gouttière d'une maison d'un étage et de regarder en bas. Alors, j'apercevais les récifs râlants qui mesuraient les inspirations de ce grand poumon. Le rocher se dénudait profondément, la lame suçait, gargouillait, puis elle se jetait avidement en l'air et une colonne d'écume montait verticalement par-dessus le récif. Un instant, elle restait immobile, puis elle se tordait lentement, pareille à un arbre de diamants, et s'écroulait. Le récif était une chute de 100 cascades écumeuses. et déjà le récif couleur de rouille émergeait à nouveau, frémissant comme la tête d'un nageur qui ruisselle encore d'eau et brille déjà dans le soleil. Maintes fois aussi, de mon belvédère, je pouvais voir jusqu'à l'horizon, rien qu'un moment, puis nous plongions de nouveau. Souvent, le roi de la mer, sans lever les yeux, cinglait droit sur les récifs, mais je tenais ma langue, car je savais qu'au dernier moment, il allait virer de bord. Le roi de la mer se mouvait dans ce désert d'eau aussi sûrement que quiconque dans sa chambre à coucher. Ici, il connaissait chaque coin et n'avait pas besoin de lever les yeux. Il avait ses points de repère. Dès que tel ou tel rocher dans le lointain apparaissait entre tel et tel récif, cela signifiait qu'il fallait virer de bord. Il connaissait aussi les rochers cachés, et quand il disait « là-dessous c'est le Menglaz », on était sûr qu'un moment après, la lame heurtait le rocher et que la mer se marbrait au loin. Il savait encore bien d'autres choses. Il savait où se tenait le poisson à telle et telle heure, par tel et tel courant, de quel côté il se dirigeait dès que le courant changeait de sens. Il savait quelle vitesse devait avoir le bateau pour que telle ou telle espèce de poisson mordît. Il savait à quel moment il fallait attendre le poisson et à quel moment il disparaissait. Souvent, en le regardant, je ne pouvais m'empêcher de rire. Le minuscule paquet était accroupi, impassible, comme devant sa cheminée, roulant machinalement d'un côté à l'autre, tandis qu'il me fallait me cramponner pour ne pas être précipité par-dessus bord. Il chiquait, soufflait pour écarter sa moustache et garnissait l'hameçon d'appât avec componction. Il avait l'air de coudre. Il arrachait le vieil appât du crochet avec les dents et le crachait dans la mer. Il accueillait le gros poisson avec un rire pataud. Quant au petit, il l'accablait d'invectives. Il prit un poisson minuscule, pas plus gros que la main, qui avait complètement dévoré l'appât. Alors il devint pourpre de colère et le lança si violemment dans le bateau que le petit poisson ouvrit la bouche et instantanément demeura immobile et roide. De temps à autre, le roi de la mer s'accroupissait dans la barque et prenait en main une boîte de conserve. « Excuse-moi, mon ami, hurlait-il, nous sommes en mer. » Politesse bien inutile. Dans cette baignoire, qui avec tout son gréement coûtait 65 francs, on ne pouvait pas avoir le même confort que dans un hôtel. Midi sonna dans l'île. Plein d'attrait et de charme, le son parvint à nos oreilles. Nous mangeâmes un morceau de pain et bûmes à même la bouteille d'eau, la ligne enroulée au doigt. Et de nouveau, nous pêchâmes. Silencieusement, nous garnissions l'hameçon d'appât. Nous jetions le poisson dans le bateau, nous jurions à mi-voix quand la ligne s'en mêlait. La barque frémissait et bondissait, tantôt en haut, tantôt en bas. Souvent, le roi de la mer était suspendu au-dessus de moi, comme s'il eût voulu se jeter sur moi. L'instant d'après, son béret était loin en dessous, et je le dominais verticalement sans quitter le banc. J'étais mouillé jusqu'à la peau, l'eau m'était entrée dans le cou et dans les manches, mes cheveux étaient trempés et mes yeux collaient et cuisaient. Mon visage était desséché et brûlant à cause du sel qui, pareil à du sable fin, s'incrustait dans tous les pores et vous faisait une peau rigide et sans mobilité. Mes mains tremblaient d'épuisement et le vent me piquait les oreilles sans discontinuer, comme une épingle aiguë et glacée. Mais mon cœur sifflait et mugissait et il était plein d'impétueuses sauvageries comme la mer autour de moi. Oui, vous autres à la maison, restez tranquillement assis dans vos fauteuils, à chuchoter des mots sages et fins sur la vie, et devenez poitrinaires. Laissez-moi la vie, qui est bête et simple, et je vous fais cadeau des mots. » Une voile, avec une ancre peinte dessus, passa derrière la ligne onduleuse des vagues. Elle monta, oscilla, disparut complètement, pour émerger de nouveau longtemps après à un endroit éloigné. En un clin d'œil, elle avait disparu. « Il est temps !» hurla Jean-Marie. « Il faut partir. Le pilote rentre. Nous allons encore tendre une ligne, roi de la mer. » Mais alors une grosse lame arriva et nous démarrâmes en toute hâte. Cette lame était la plus grosse et la plus belle que j'ai vue ici. De loin déjà, je la vis venir. Elle se frayait un chemin parmi toutes les crêtes d'écume errantes, sa mousse volait devant elle et elle sifflait et chuintait comme une locomotive de rapide. Elle était si grosse et si monstrueuse qu'elle se détachait au milieu de toutes les autres vagues, comme la laie furieuse entre les marcassins. Puis l'énorme masse d'eau heurta les rochers, elle frémit de colère du haut en bas, se gonfla et se cabra. Elle devint longue comme 5 maisons et haute comme une maison de 2 étages, et les lames autour d'elle avaient l'air minuscules. Elle était vert noir, mais en se gonflant, elle devint verte comme du verre à bouteille. Au sommet tremblait un gland de turquoise, et sur ce gland s'étendait une couche d'émail jaune d'ambre, translucide dans le soleil, et par là-dessus un diadème d'écume blanche comme neige. Au-dessus de toute la masse de la lame flottait un large voile de vapeur, une muraille de vapeur, dans laquelle chatoyaient les nuances de l'arc-en-ciel. Telle elle se dressait. Nous en étions éloignés de 10 pas, et je considérais avec étonnement et terreur ce bel animal sauvage que la mer avait enfanté. Mais alors, elle descendit. « Allô, Jean-Marie !» Le roi de la mer était justement en train de changer la voile. Il l'avait détachée et tenait la corde à la main. Alors il aperçut la lame qui frémissait, étincelait, se penchait en avant, tigrée de blanches stries d'écume qui s'évasaient en éventail. Il eut un rire d'idiot. « Hu-hu-hu !» Et il maintint solidement à 2 mains la corde de la voile, comme les rênes d'un cheval qui veut s'emballer. Il cala ses sabots contre le banc et son visage se contracta dans la tension désespérée de son effort. La voile se déploya à éclater par suite de l'énorme pression de l'air que chassait la croulante masse d'eau. La lame tonnait et beuglait. La barque monta d'abord lentement, puis d'une saccade brusque, et le roi de la mer disparut dans un tourbillon de neige. « Hu, hu, hu !» Un épais jet d'eau passa en sifflant comme une fusée par-dessus la barque. Par la fente d'une fenêtre verte, mon regard portait au loin sur la mer jusqu'à l'horizon. Là-bas passait en toute tranquillité un vapeur avec 2 cheminées brunes qui fumaient. Il se dirigeait vers le sud-ouest, La Havane, San Thomas, Para, Rio de Janeiro, Valparaiso. Bon voyage! Alors je reçus un coup de pointe dans les yeux. Nous écopâmes l'eau. En avant, filons! Le roi de la mer était pâle comme la mort. Pour moi, je sentis soudain exactement l'endroit où était mon cœur, car il s'était arrêté. Maintenant, il ne nous restait plus qu'à traverser le courant qui coupe l'entrée de la baie. À marée descendante, ce n'était pas facile. À marée montante, c'était impossible à un petit bateau. Il advenait qu'on arrivât 5 minutes trop tard, et alors il fallait attendre 3 à 4 heures que la fureur du courant se fût apaisée. Une fois, un cotre sortit du port par vent splendide, mais juste au milieu du courant, le vent cessa, et le cotre fut poussé dans les rochers où il se brisa. Les hommes d'équipage furent si bien déchiquetés qu'on ne put les reconnaître qu'à leurs vêtements. À un matelot, la tête manquait. Comme une armée de baleines colossales, en pleine déroute, le courant se précipitait. Nous le franchîmes et nous entrâmes dans la baie. J'étais au gouvernail, car c'était là mon travail. « Diol, Diol !» hurla le roi de la mer. « J'ai déjà perdu 2 bateaux ici. Une fois j'atterris avec les débris, une autre fois je restai 24 heures sur un rocher, jusqu'à ce qu'ils viennent me chercher. Encore une fois sauvé, mon ami, il faut brûler un cierge de 10 sous. » Il rit et ôta son béret graisseux. Alors apparut au jour son crâne pâle. Était-ce là un homme? Son crâne s'était ratatiné à la grosseur d'un œuf d'autruche. 3 maigres mèches de cheveux collaient à la surface dénudée. Le visage était une larve de scarabée. Le nez renfoncé, le sel avait rongé le tour des yeux et il ressemblait à des plaies. « Crois-tu donc à ces choses-là, Jean-Marie ? » Le roi de la mer se mit à rire. « À terre, je ne crois pas en Dieu, dit-il, mais en mer ? » « À terre, le gouvernement peut te venir en aide, mais en mer, pas même le ministre. » Cela me parut de toute évidence. « Combien de temps encore vas-tu naviguer avec ce haillon de voile ? » demandai-je. « Une voile neuve coûte cher par tous les diables. » « Un prix inabordable, » répondit Jean-Marie. « Je vais y coudre des bandes en biais, mon ami, en biais. Il y a 10 ans, j'ai eu un petit malheur avec une voile comme celle-là. » Et Jean-Marie me raconta ce malheur de sa voix enrouée et hurlante. Il pêchait près de Stiff, et sa voile s'étant déchirée en 100 lambeaux, il fut emporté par le courant. Alors il se mit aux avirons. Il rama comme un fou, mais au bout d'un moment, quand il regarda autour de lui, l'île était déjà toute petite. Au soir, il apercevait encore le phare de Stiff, puis il ne vit plus rien. Il cracha dans la mer et dit « Maintenant, c'en est fait de toi, Jean-Marie, hu, hu !» Le jour vint et il était Dieu sait où. Il y avait de la brume, les vapeurs hurlaient. De nouveau la nuit tomba, et il vit un fantomale moulin de lumière battre des ailes. « Peu importe, se dit-il, tu vas dormir. » Il dormit. Soudain, il entendit une sirène et un énorme beuglement. Il s'éveilla et vit devant lui un noir bâtiment géant avec des tas de lampes, et de là-haut, il l'interpellait avec le porte-voix. Il rama vers le bâtiment et monta à bord. « Mon bateau, sacré nom de Dieu ! En avant !» Les cloches sonnèrent, les machines commencèrent à travailler et le vapeur se mit en marche. Au matin, le roi de la mer se trouva au milieu d'une élégante compagnie de dames et de messieurs qui le regardaient en riant. Lui, le vieux petit roi de la mer, en cheveux blancs, que l'on avait pêché dans la Manche au beau milieu de la nuit. Ils lui bourrèrent sa poche d'or et lui procurèrent un billet de seconde classe de Londres à Brest. « Et le voilà de retour ! Le diable m'emporte ! Roi de la mer, te voilà de retour !» Ils avaient déjà dit la messe des morts. Dans la chapelle, au cimetière, il y avait une petite croix avec son nom, et il dut payer 8 francs pour une messe qu'il n'avait pas commandée. « Mais je l'ai payée !» cria Jean-Marie en tapant sur son gousset. « Maintenant, j'ai une messe d'avance !» Lui, Jean-Marie, il avait fait une avance au bon Dieu. Puis, la conversation tomba sur Rose Eyre. « Tu as une bien jolie petite fille, Jean-Marie, dis-je. Rose Eyre est ma fille adoptive, hurla Jean-Marie. Mes deux filles étaient de méchantes femelles, et personne ne les aurait approchées. C'étaient des canailles. Elles me battaient quand j'avais bu, et il fallait que je cache mes petits sous dans les fentes de la muraille. Elles m'auraient volé mes petits sous de la bouche. Maintenant, elles sont mortes. Elles sont mortes de la poitrine. Rose Eyre, mon amie, est ma fille adoptive. Tu l'aimes bien, n'est-ce pas, Jean-Marie ? Le roi de la mer eut un rire puéril et frappa sur sa courte cuisse. « Rose Eyre, il n'y a qu'un malheur. Elle n'est pas tout à fait saine. « A-t-elle aussi quelque chose à la poitrine ?» Le roi de la mer secoua la tête. « Non, mon ami, elle a ça dans la tête. Elle tient ça de sa mère, qui voyait des esprits. Ça suit la mère. Elle a des moments où elle est possédée et pas dans son bon sens. Si elle dit aujourd'hui « Le pilote s'est noyé cette nuit », il ne reviendra pas. « Jamais !» Je mis le cap sur la bouée rouge dans la rade. « Et maintenant, elle veut épouser Yann ?»« Oui, mais je n'y donne pas encore mon consentement. » Le roi de la mer se tapa sur la poitrine et fit l'important. « Écoute, » dis-je en regardant Jean-Marie dans les yeux, ses yeux plats, délavés, qui avaient l'air aveugles. « Je voudrais jouer un tour au petit capitaine. Il m'a jeté un verre à la tête dernièrement. Je t'achèterai une voile neuve. » Une voile flambant neuve, de la meilleure matière, première classe, si tu retardes encore un peu ton consentement. » Jean-Marie accepta d'emblée. Il attendrait encore tout le temps que je fixerais. « Bon, je viens demain chez toi et nous allons ensemble chez Joël pour acheter la toile. Nous pouvons ainsi en même temps choisir le cierge. » Mais ici, Jean-Marie eut un rire madré. « Bah, du moment que nous étions arrivés à bon port, il valait mieux employer les 10 sous en gouttes. Je n'avais rien là contre. » Jean-Marie rinça les poissons et les mit dans la caisse. Il ricanait de contentement. Nous avions eu une bonne journée, une rare journée. Nous avions pêché pour 3 bons francs durant ces 12 heures. Nous ne touchâmes du reste pas tant, les marchands. Le petit marieur de Lille, le moyen marieur de Brest et le gros marieur de Paris. Eux tous avaient d'énormes frais, maisons, familles, voitures. Ils avaient tous un risque énorme. Le roi de la mer, au contraire, n'avait aucun frais. Il ne risquait rien d'autre que sa vie. Jean-Marie rampa péniblement à terre. À terre, il se mouvait gauchement, comme une écrevisse. Il prit la caisse sur son épaule. Il portait les 2 plus gros poissons avec les index crochés dans les ouïes, et nous grimpâmes le sentier de Chiquel. Le sol ondulait sous mes pieds. Les pierres étaient comme de la pâte. Dans le bar, nous écartâmes les hôtes bruyants. « Place, nous sommes des pêcheurs, nous arrivons du travail. Oh oh, voyez-moi ces brancroches. Ah ah ah !» Chez nous, c'était toujours bruyant et joyeux. Je rentre à la maison, les pierres sonnent sous mes pas, mes yeux sont aigus et suivent la mouette, loin, là-bas, sur la mer.